balade sans moi. Oui, bien des fois, tu sais, j'ai peur du monde qui tourne autour de toi. Mais rassure-toi, je ne t'enfermerai pas dans une cage. Oui, mais sois sage, non, ne laisse pas ton attention loin se détourner de moi. Ne me cache pas sans raison l'amour que tu n'as plus pour moi. Car tout se sait, tu pourras rien cacher. Tout se sait, ne t'en as pas de secret. Tout se sait, tu pourras rien cacher. Tout se sait, ne t'en as pas de secret. Tout se sait, tu pourras rien cacher. Tout se sait, ne t'en as pas de secret. Tout se sait, tu pourras rien cacher. Tout se sait, ne t'en as pas de secret. Je ne t'empêche pas d'y venir avec qui sont moi. Vas-y, fais-moi plaisir. Je sais que tu me caches, oui, bien les choses. Mais si tu t'attaches, oui, c'est ta petite dose. Mais non, ne me mens pas, oh, ça ne sert à rien. Tu sais, tout ce sera, nous verrons si c'est bien. Car tout se sait, tu pourras rien cacher. Tout se sait, ne t'en as pas de secret. Tout se sait, tu pourras rien cacher. Tout se sait, ne t'en as pas de secret. Tout se sait, tu pourras rien cacher. Tout se sait, ne t'en as pas de secret. Tout se sait, tu pourras rien cacher. Tu ne pourras rien cacher.